Hey. Et les gens parlent de couvre-feu. Dis-moi que t'as senti la douille, frère. Bunk, bunk. Ça fait. Ok. Hey. Fin 2020, tout part en couille. L'État parle de couvre-feu. Dis-moi que t'as senti la douille. On perd doucement notre liberté. Comme à l'époque des SS, il serait temps de se concerter et de voir plus loin que ses fesses. En fait, on a besoin de solidarité. Mais l'union leur fait peur, donc on confine. C'est ça la vérité. Y'a trop de malades, donc personne sort après 21h. Beaucoup de salades politiques de menteurs. J'avais parlé du corona, j'avais parlé du confinement. Là y'a des choses que je cautionne pas de la part du gouvernement. Ici j'entends de sales histoires. Affaires d'adrénochrome consommées par des pédophiles. Au final j'ai plus qu'y croire, même les élites se contredisent. Je regarde les livres d'histoire, c'est fou ce qu'on peut lire comme sottise. Un coup c'est un virus, la fois d'après ce sera l'islam. Notre misère les amuse, pour en sortir faut vendre son âme, ouais. Nous sommes en guerre, monsieur le président, car vous usez de la police contre les résistants. À coups de matraque et de gazeuse, c'est la démocratie. Vous êtes l'armée privatisée de l'aristocratie. Putain, des fois je me dis à mort les bleus. Je refuse de payer ton amende, mais je ne veux pas être de ceux qui favorisent la haine et mettent de côté le dialogue. Parce que dans le fond ça me fait de la peine. Je voudrais qu'on soit plus pédagogue. Qu'est-ce qu'on va laisser aux gosses? Un monde en ruine? Un nouvel ordre mondial où la dictature est habile? Se lamenter c'est trop facile. Faut marcher dans la ville, faire tomber leur système. Ils veulent que les gens soient débiles. Trop bouffer leurs émissions entre les anges et BFM. Tu trouves pas de solution et ce sera toujours le même problème. La race humaine en perdition, je peux faire des milliers de thèmes. J'ai élargi ma vision, quitte à faire mal à ceux qui m'aiment. Bande de moutons, portez le masque même chez vous. Ne sortez que pour bosser, faut bien faire tourner la machine. Pose pas de questions, car si l'État perd des sous, c'est vous qui allez rembourser. Je sais pas pourtant, mais ça me fascine. Je suis un enfant du monde, je souffre quand il souffre. Je pleure quand il pleure et puis je meurs quand il meurt. Donc forcément, je défends les faibles. Le fort n'irait sans honneur. La vie serait plus simple si l'oppresseur devenait défenseur. Ça fait un bail que je dis plus rien. Refrain, je suis pas un complotiste. Mais crier fort, ça fait de moi un artiste. Ça fait un bail que tous les autres voudraient me boycotter. Allez courir, je vous ferai mal comme un point de côté. Confinement 2.0, j'aurais pu le faire, c'est vrai. Mais ces crevards disent que je profite d'un mouvement de société. Ces mêmes rappeurs se disent indépendants. C'est tous les mêmes, ne parlent que d'eux. Ils auraient rien à dire et ça s'entend. Il serait temps de prendre conscience qu'on est plus des agneaux que des hommes et qu'on marche à contresens. Y'a plus de haine que d'amour, y'a plus de pleurs que de rires. Y'a moins de braves que de lâches, les gens ont même peur de sortir, ouais. Punk, punk, couvre-feu.